C'est pas les étrangers et les locaux. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Allons balader sous la les coco. Kiffe ça sans mettre la coca. Oh, coco. Ferme la bouche, la vibe c'est toto. Mais si ça se rayonne, elle est trop beau. Nous déboulons cool, t'as les combos. Éparpillé par la colbato. Nous n'annoutons pas si le gâteau. Comme tout comme dit le coco. Faut fouillard dire à la roco. Pour les étrangers et les locaux. On a toujours un boulet sous le monde. C'est pour les étrangers et les locaux. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Allons balader sous la les cocos. Kiffe ça sans mettre la coca. Oh, coco. Ferme la bouche, la vibe c'est toto. Wayo. 974, nous les gaillards. Cave salon, on a le tempo. Ah, oui, on a le tambour dans la peau. Narascon, il est vrai dans l'ADN. Nos mots n'est pas costumé, mais n'est pas plus faible. Oui, mille. Cave classique, cave chicken, cave, cave, cave. Il vient mettre la barre. C'est pour les étrangers et les locaux. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Allons balader sous la les cocos. Kiffe ça sans mettre la coca. Oh coco. Ferme la bouche, la vibe c'est toto. Wanna be on your line. You're my trigger. Let me try. You know I need ya. That's no lie. You give me fever. When you whine for me. Kiffe sur la pisca. Sois pas timide, prends des risques. Feel the rhythm, prends the river. Mina, mina, ever never leave ya. C'est pour les étrangers et les locaux. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Allons balader sous la les coco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. C'est pour les étrangers et les locaux. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Loco, loco, loco, loco. Allons balader sous la les coco. Kiffe ça sans mettre la coca. Oh coco. Ferme la bouche, la vibe c'est toto. Mais c'est ça, il faut les gars, il faut les rire.